Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. طيب أسألكم ما هما الحديثان اللذان أخذناهما في الدرس السابق؟ Quels sont les deux hadiths qu'on a pris dans le dernier درس؟ عندك الدين النصيحة. النصيحة ما هو الكلمة التي تناسب في الترجمة أكثر؟ C'est quoi le mot qui convient le plus pour traduire nasiha? Allez, Mohamed. Allez, khlas. Ça veut dire la sincérité. Nasiha, le mot qui regroupe le plus l'essence, c'est la sincérité. وَمَّا فِي مَا يَتَعَلَقْ بِحَقِّ الْأَيْمَّةِ وَحَقِّ عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ Concernant les gouverneurs et les gens de la masse, le mot conseil est approprié. Mais le mot ikhlas, lui, on va dire, il est meilleur, car il englobe le tout. C'est être sincère envers Allah Azza wa Jal, être sincère envers son livre, dans le fait de l'apprendre, de le méditer, de l'appliquer. وَكَذَلِكَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Dans la sunnah du prophète, agir de la même. وَهَكَذَا والذي بعده الحديث الرابع عندك تقبل با كتخيم حديث كنا فيه أبو هريرة نعم سهل إذا تقبل با دي صحابي سبعة بروبليم سورتو الحديث نعم يعني أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله il a demandé une œuvre qu'il ferait entre au paradis. Tu étais là au dernier درس عندك وما كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم له qu'est-ce qu'il lui a dit ذكر أربعة من الأركان لم يذكر الحج ذكر التوحيد الصلاة يعني الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام نعم طيب الآن سندخل في الحديث الخامس إن شاء الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم donc selon سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه il a dit Ô messager d'Allah, informe-moi d'une parole en islam dont je n'interrogerai personne en dehors de toi. D'accord. Personne ne sera interrogé en dehors de toi par la suite. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, dis, j'ai cru en Allah, puis tiens-toi sur la droiture. Rawahu muslim. وكما تلاحظون هذا الحديث يشبه الحديث الرابع. Ce hadith-là va de connivence avec le hadith précédent, quatrième. طيب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا لصاحبه للفلاح. Donc cet homme, qui est Sofyan ibn Abdillah, a désiré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une parole générale qui englobe le bien, qui lui soit profitable et qui fait parvenir son auditeur à la réussite. C'est-à-dire l'auditeur qui entend cette parole-là, elle l'emmènera à la réussite. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا. Donc là, le prophète عليه الصلاة والسلام lui a ordonné de croire en Allah. Al-Iman. Cette croyance, cette foi qui nous est obligatoire. Et tout ce qu'elle elle implique, cette foi, tout ce qu'elle implique parmi les fondements, et ce qui suit comme acte du cœur, et comme, on dira, assujettissement et de soumission à Allah. Intérieur et extérieur. قَالَ ثُمَّ دَوَامَ عَلَى ذَلِكَ وَالْاسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَمَاتِ. Il lui a dit également de perdurer là-dessus. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas occasionnel, mais c'est continu. Et de rester droit jusqu'à la mort. قال وهو نظير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Donc cette parole du Nabi صلى الله عليه وسلم coordonne avec le verset, voilà, il dit dans le sens, c'est à ceux qui ont dit, notre Seigneur c'est Allah, puis se sont mis sur la droiture, les anges descendront sur eux, en leur disant, nulle peur sur vous, ne soyez pas attristés, et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. فَرَتَّبَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْاسْتِقَامَةِ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِيعِ الشُّرُورِ وَحُصُولَ الْجَنَّةِ وَجَمِيعَ الْمَحَابِ. Donc cette foi, avec les stikama, il en résulte d'être préservé de tous les maux. Alaykoum salam. De tous les maux, et d'obtenir le paradis et toutes les choses que l'on aime. Et quand on dit on aime, les choses qui sont profitables. Donc celui qui a la foi et qui est sur le stikama, il aura une vie heureuse. Une vie heureuse ne veut pas dire une vie dénuée d'épreuves. Non, ça c'est, vous le savez, c'est inévitable, l'épreuve. Mais cette épreuve, il pourra la surmonter. Il pourra l'affronter. Mais il sera en lui parmi les gens les plus heureux. Aujourd'hui, les gens courent à droite à gauche partout pour chercher le bonheur. Et ça vend des procédés, ça vend des idéologies, ça vend même des personnages à prendre en modèle, mais au final, ça n'aboutit à rien. Que tristesse, que désarroi, que fatigue et que déception. Et la solution, elle est unique, il n'y en a qu'une seule. C'est l'islam. Et l'islam avec l'istiqama également. Comme on va en reparler, Inch'Allah. فقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرهبة في الخير ورهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن الأعمال الجوارح لا يتم ذلك إلا بثبات عليه. Et les textes du livre de la Sunna, très nombreux, ont déjà prouvé que cette foi englobe justement les actes des cœurs et la croyance authentique, comme par exemple la convoitise dans le bien, adamin amal kolob, vouloir le bien absolument, ou rahba min shar, avoir peur du mal, ça rentre dans le cœur, et détester ce mal également, et aussi les actes des membres, car tout cela ne pourra s'achever que par les actes. Ce qu'il y a dans ton cœur doit ressortir, se retransmettre par tes actes, c'est obligatoire. Ça doit apparaître. Donc, fatammalou fi hadha al-hadith, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Dit j'ai cru en Allah, puis tiens-toi droit jusqu'à la mort. Nara kathira min an-nas al-yawm yadkhuluna fi al-islam wa hadhihi ni'ma 'azima aw yatubun min ba'd al-ma'asi al-madiyah wa kadhalik ni'ma 'azima lakin ba'd dhalika yadhhar al-khalal fi al-istiqama. On voit beaucoup de gens qui rentrent en islam, c'est une réalité. Ou beaucoup de jeunes qui à la base sont musulmans, mais qui n'étaient pas sur la voie droite, qui tentent de rentrer sur la rectitude. Cependant, on voit toujours un manquement. Il y a toujours des traces du passé, il y a toujours des choses qui ont besoin d'être encore plus renforcées. C'est pour ça qu'il a dit « Qul amantu billah », la foi elle rentre, « Thumastaqim ». Et c'est là que tu verras concrètement les fruits de cette religion. Car des gens entrent en religion, mais ils disent qu'il y a toujours des problèmes. Il y a ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Comme on disait tout à l'heure, le problème vient d'où ? C'est que l'istiqama, elle n'est pas assez. Donc les résultats ne vont pas apparaître comme ça doit. La promesse d'Allah, azawajel, elle vient avec des conditions. Des gens ils disent, je lis dans le Coran, je vois des promesses, et je ne vois pas, moi ça ne me concerne pas. On dit parce que la promesse, elle a des conditions que tu n'as pas remplies encore. L'istiqama. Ou l'istimrar alayha. C'est pas un jour ça va, un jour ça va pas. Bien sûr, on sait que la foi, elle monte, elle descend. Ça, c'est tous. Taïeb. Mais, malgré cela, les musulmans, ils s'accrochent. Et ils s'efforcent. Car il y a des gens, tu vas les voir sur le khayl une semaine après, il revient en arrière. Un mois après, il revient. Un mois après, il retourne en arrière. Donc lui, il verra pas trop de résultats. Wa azafi jamais un shu'un. C'est pas que dans l'islam, c'est dans tout. La personne qui est régulière dans ce qu'elle fait, elle voit les résultats. Même dans les choses haram. Allah. Même dans le haram, quelqu'un qui régule dans ce qu'il fait, il progresse. Dans tous les domaines. Donc la religion, elle est prioritaire de voir la régularité dans nos actes et dans les ibad. La personne, elle évolue à son niveau, mais elle avance. Des fois, des gens entrent en islam, on leur dit, fais telle ou telle chose, je ne suis pas prêt. Cette phrase-là, elle n'est pas quoi, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt au Jannah? T'es rentré en islam, t'es pas prêt de quoi? Tu dis fais salat, tu dis je suis pas prêt à faire la salat. Tu dis pourquoi t'es rentré en islam alors? L'islam n'apparaîtra pas si tu fais pas la salat. T'auras le ism, t'auras le nom qui te sera attribué par les gens. Mais sans la salat, comme a dit Ta'ala, inna salat tanahan al-fasha wal munkar wal bari. Non, inna salat tanahan al-fasha wal munkar. Que la salat t'empêche de faire du mal et empêche les choses mauvaises. Donc quand les gens voient qu'ils sont atteints de cela, qu'ils s'en mettent en question. Où en sont-ils de la salat? Où en sont-ils de l'istiqama? Et surtout, l'iman, est-ce qu'il est bien acquis? Et cet iman, dire je crois, ça implique des choses. Et ça apparaîtra au vivant. Un jour ou un autre, ça apparaîtra. Al-sidq, سيظهر نعم دونك هذا الحديث هو قصير جدا لكن فيه معاني كثيرة ce hadith il est très court mais il renferme un sens qui est immense. Ne crois en Allah Azza wa Jal et cette foi elle sera ton élan pour la suite et tu continues autant que possible. يقول في الحديث السادس سيزيم حديث يقول عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر من نهى الله عنه متفق عليه. Selon عبد الله بن عمر رضي الله عنه il a dit que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit le muslim, c'est-à-dire par excellence, c'est celui dont les autres muslims sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et les muhajir, à la base, muhajir, c'est l'émigré ou les migrants. Là, c'est celui qui aura délaissé ce que Allah Azawajal aura interdit. Il aura délaissé ce que Allah Azawajal aura interdit. وَزَادَ الْتِرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Une autre version du hadith avec un ajout où il dit que le croyant c'est celui dont les gens sont à l'abri de lui dans leur vie et dans leur bien. Ils n'ont rien à craindre de lui. Et كذلك هذا هو المؤمن, c'est le croyant par excellence. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. Et que le mujahid, c'est-à-dire celui qui lutte, est celui qui aura lutté contre son âme, c'est-à-dire le mauvais penchant, sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. والمحقق يصحح جميع هذه الروايات. Et même si ces riwayats n'étaient pas authentiques, le sens il l'est en tout cas. Le sens il est correct. يقول ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة. Donc dans ce hadith, on y trouve la perfection de ces noms qui ont été ordonnés ici par Allah et son messager pour obtenir justement le bonheur dans ce bas monde et pour l'au-delà. وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد وذكر حدودها بكلام جامع شامل وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Donc quels sont ces cinq noms? C'est l'islam, c'est la foi, c'est la hijra et c'est le jihad, comme l'auteur va le citer. Et chacun par ses limites. يقول وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين. Donc l'islam concret, réel, véritable, c'est la soumission à Allah. Et la parfaite servitude complète qui revient à rendre complètement le droit d'Allah Azza wa Jal et celui des autres croyants, des autres musulmans. Tu rends le droit d'Allah Azza wa Jal en premier lieu et celui des autres musulmans. وَلَا يُتَمُّ الْإِسْلَامُ حَتَّى يُحِبَّ الْمُسْلِمِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Et que son islam ne sera pas parachevé tant qu'il n'aimera pas pour les autres musulmans ce qu'il aime pour lui-même. وَعَذَا نَذِيرْ حَدِيثْ أَنَاسْ où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. C'est comme dans le hadith de Anas où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Ça ne veut pas dire que celui qui n'aime pas pour son frère n'est pas un musulman, mais sa foi elle est réduite, elle n'est pas complète. ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده. Et cela ne pourra se réaliser tant que les gens ne seront pas à l'abri justement du mal de sa langue et du mal de ses mains. Et quand on dit ses mains, c'est tout acte qu'il pourrait faire qui pourrait nuire aux autres. فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين. Donc ce fondement, c'est une obligation qui nous incombe à tous. Car celui dont on n'est pas épargné de sa main, de sa langue, comment pourra-t-il donc justement rendre droit aux gens? Il est injuste de base. فسلامتهم من شره القول والفعل عنوان على كمال إسلامه. Donc le fait que les gens soient épargnés justement de son mal, qu'il soit verbal, qu'il soit gestuel, cela justement indique la perfection de son islam. Et quand on dit le mal de sa langue, il y a trop le fihi al-riba, il y a trop le fihi al-zulm, il y a trop le fihi al-kazib, il y a trop le fihi al-zur, il y a trop le fihi al-namima, il y a trop le fihi al-sab, wa ghayr dhalika. Le mal de la langue, on va y trouver la médisance, on va y trouver la calomnie, on va y trouver le mensonge, on va y trouver les faux témoignages, on va y trouver les injures grossières, vulgaires. Tayyib, wal-shar, al-fi'li, ça peut être la violence gratuite, sans droit, ça peut être le fait de voler, ça peut être le fait de détériorer les droits les biens des gens sans vouloir les dédommager par exemple. Ça peut arriver des fois, on fait une erreur, on casse quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Des dommages. Et là, ça parle des musulmans entre eux. Et tabahan hatama al-kuffar. Al-Kuffar, lahum amwaluhum, ou ya mahfouza, ils ont leurs biens également, qui sont préservés. Parce que c'est les Kuffar qu'on va tout casser chez eux. Là, adama, ma yajouz hada. Al-Ghiba, tajouz ma'ahum. Tu peux médire d'un kafir, mais tu peux pas mentir sur lui. Et kazalik, de base, on n'a pas insulté les gens. Après, insulter, en islam, le mot sab, c'est en fait, c'est dire une parole qui offense. Souvent, c'est traduit par insulte, et quand les gens ont dit insulte, ils pensent tout de suite aux paroles vulgaires, grossières. Ça en fait partie. Mais en réalité, sab, hatta doa la shars, yurtabar sabban fil islam. Quand tu dis mathalan à quelqu'un, la barakallahu fik. En islam, c'est un sab. T'as fait un doa que Allah met pas la baraka. Vous voyez? Eh ben, c'est un sab. C'est une insulte. Donc toute personne, toute parole qui pourrait offenser la personne, sans droit. قال ففسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها. طيب. Donc dans ce hadith, le croyant, il a été clarifié comme étant celui dont les gens sont à l'abri de lui dans leurs biens et dans leur vie. Car la foi, lorsqu'elle est dans le cœur, elle va te pousser, te contraindre à rendre droit aux gens. Les gens, ils ont des hukouk, ils ont des droits, tu vas leur rendre. Donc, tu ne pourras pas leur nuire. Comment rendre droit à quelqu'un si tu es en train de le nuire? Tu n'auras pas rendu son droit. Quelqu'un, par exemple, t'as une dette envers, il a une dette envers toi. Tu lui dois tant d'euros. Tu lui rends sa dette. Et à côté de ça, tu lui voles son portable. Cette dette, est-ce que elle doit... Chalan, t'as rempli ta dette, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va dire que cela... On va dire, tu te feras passer pour une personne honnête? Dis-moi, je rembourse mes dettes, ouais, mais tu voles des gens à côté. Donc t'es pas crédible. C'est pas accepté auprès des gens. Donc leur rendre leurs droits implique également de ne pas leur nuire par la suite. قال التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن الظلم عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. Donc parmi les choses les plus importantes de cette foi parmi les droits des gens, c'est l'honnêteté, être honnête, être véridique dans les échanges, dans les relations, dans les négociations. Tu es véridique. Tu vends une chose, tu es clair. Si elle a des défauts, tu les déclares. D'accord? Et ainsi de suite. Tu ne triches pas, tu ne trompes pas. Également, tu t'abstiens d'être injuste. Et de nuire aux gens dans leur vie et dans leur bien. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ عَرَفَ النَّاسُ هَذَا مِنْهُ وَمِنْهُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَوَثَقُوا بِهِ لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات فإن راية الأمانة من أخص واجبات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. Donc lorsque les gens ont reçu de toi ce genre de caractéristiques, que tu es honnête, que tu es véridique, d'accord, il te faut confiance. Il te faut confiance. Donc de là, on dira que l'apparent de ta foi sera perceptible aux yeux des gens. Parce qu'à la base, la foi, c'est dans le cœur, comme vous le savez. Mais par les actes, ça se retransmet, donc les gens vont voir. Et les gens de là, à la hasab mayaran, par rapport à ce qu'ils verront, ils diront, lui, c'est quelqu'un, on connaît les droits. Tu vois. Si tu veux dire une chose, ils vont dire, on le connaît, il ment pas. Voire même, il y aurait une erreur, les gens te trouvent une excuse. Ils diront peut-être qu'il y a eu un malentendu, peut-être qu'il y a eu un quiproquo. Ils vont pas dire, ouais, c'est un menteur, il t'a trompé. Non, ils vont trouver une excuse. Pourquoi? Est-ce qu'ils savent que t'es honnête de base? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, bon, je ne vois pas le jument, il dit qu'il n'y a pas deux fois pour celui qui n'est pas honnête. Mais on sait que l'honnêteté, c'est pas un pilier de l'islam, ni de la foi. Faut dire qu'en fait, celui qui n'a pas d'honnêteté, sa foi, elle est faible. C'est pas que c'est un kafir, mais sa foi, elle est faible. وَفَسَّرَ الْحِجَرَةَ الَّتِي فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا حِجَرَةُ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي. Et dans ce hadith, le sens de la hijra qui évolue, c'est le fait de délaisser les péchés et les obéissances. Car ça, c'est obligatoire pour chaque musulman. Al-hijra, l'oratan ma'na al-tark. La hijra, au point de vue linguistique, ça veut dire le délaissement d'une chose. Wa shal'an, هو كما تعلمون انتقال من بلاد الكفر أو البدعة وغير ذلك إلى بلاد الإسلام. Et au niveau de la législation, cette hijra, c'est le fait de délaisser les pays de kufr ou de bid'a ou de ma'asi, où c'est trop intense, pour aller dans les pays d'islam, de sunna, de droiture. Et des gens, مثلاً, يستدلون بهذا الحديث à l'attaque à la hijra. Il y a des gens qui prennent ce hadith pour dire la hijra, en vrai, c'est ça, ça, ça, ça. On dit, tayyib, vivre ici, dans ces conditions, dans ce pays en particulier, est-ce que c'est permis? Je ne pense pas qu'il osera dire oui. Donc on dit donc, tu n'auras pas délaissé les obéissances. Donc cette hijra, qui est le déplacement du corps, rentre dans ce hadith. D'accord? Donc les gens qui viendraient prendre ce hadith pour dire la hijra c'est délaisser les péchés, on dit rester ici sans droit, c'est un péché. Donc ce hadith, hujjat alayk wa la alak. Ce hadith est un argument contre toi et pas pour toi. Mais quoi qu'il en soit, celui qui n'y arrive pas encore, qui ne peut pas ou qui est excusé, cette hijra amma, cette hijra qui est générale, elle est obligatoire. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqilla haythu ma kunt, crains Allah où tu sois. Donc même si tu es ici, tu crains Allah autant que possible. Dis pas comme je suis pas parti, je suis ici, je fais ce que... Non, tu fais pas ce que tu veux. Que tu sois ici, ou là-bas, ou ailleurs, tu restes la même personne. Sauf que ici, bien, c'est ton, un environnement qui va moins t'aider. Mais tu fais ce que tu peux comme effort pour rendre le droit des gens. En premier lieu, celui d'Allah azawajal, tabaran, et celui des gens. Et ton islam, qui soit apparent, car, comme on l'avait dit dans d'autres paroles précédentes, tu portes une da'wa avec toi. قال, après, il parle de la hijra khassa, on vient d'en parler. Et il dit que cette hijra, قالت, ليست واجبة على كل أحد, وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. Il dit cette hijra, qui est le fait de quitter le pays, concrètement, elle n'est pas obligatoire pour tous. Mais elle a des conditions et elle a des causes. Cette hijra devient obligatoire quand tu es dans un pays où tu ne peux adorer Allah Azzawajal. Ce n'est pas possible. Et adorer Allah Azzawajal, ça ne se limite pas à faire les cinq piliers. Parce que des gens ils disent, moi je suis ici, alhamdoulilah, je mets cinq salawat. À Ramadan, je fais siyam. J'ai déjà fait le hajj quatre fois, cinq fois. Je suis en mazakat. Tayyib. Donc je vais lâcher ma vie. On dit, ta femme, elle est bien habillée, sort normal. Tes enfants, ils étudient où? Les conditions normales. À ton travail, avec tes collègues, ça se passe comme la salle là, tu l'as fait normal. Il y a plein de choses. Et tout ça, ça rentre dans l'adoration. L'adoration, ça ne s'imite pas à ces choses-là, comme des gens y pensent. Et le jour où la personne va se mettre, comme dans le hadith, « قُلْ أَمَنْتُمْ بِلَثُمْ أَسْتَقِيمْ » dis « j'ai cru en Allah », après tu deviens droit, là tu verras que tu ne pourras pas faire ici. Tu vas te rendre compte à ce moment-là. « وَيَا إِخْوَا نَرَا كَثْرَةَ الشَّكَاوَى مِنَ النَّاسِ مِمَا يُعَانُونَ فِي هَذَا الْبَلَدِ » On voit beaucoup de gens qui se plaignent de ce qu'ils vivent, allez comme ça, dans ces pays. Et on dit c'est vrai, mais ces choses-là, dans le Coran, Allah vous a averti. Donc il n'y a pas à être surpris. On dirait que les gens, ils découvrent. Tu vois. Ce qui leur arrive, ils sont surpris. Pourquoi il m'arrive telle chose? Pourquoi ces gens ils me font du mal? Ils disent ces gens-là ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas ta religion. Donc forcément, ils vont être injustes envers toi. On va aller comme ça. Et la solution a été donnée. Premièrement, tu reviens à Allah Azzawajal. On a vu dans le hadith précédent que celui qui moustaqim, il sera préservé des maux. On n'a pas dit des épreuves. On a dit des maux. Et vous voyez que les gens qui se plaignent le plus sont les moins moustaqimim. Ceux qui parlent, qui font plein de, comment dirais-je, d'interventions, ils font des débats, ils écrivent des choses, tu les regardes bien, c'est pas moustaqimim. Tu vas voir des femmes défendre les muslimates, mais tu vas voir en elle-même, elle n'est pas moustaqima. Tout le monde dit, allez, concentre. Ton kalam, il est bien, mais déjà toi en premier lieu. En premier lieu, avant de vouloir défendre les autres, commence par toi-même. Alors que celui qui lit le Coran, concrètement, ce qui lui arrive, bah, il se dit, c'est ce qu'Allah Azzawajal m'avait averti qui m'arrive. Et si Allah Azzawajal t'a donné, t'as annoncé d'une fitna qui va arriver, t'as forcément la solution qui va avec. Il teste pas comme ça. La solution, le Coran, on l'a. Mais quand on l'a dit aux gens, on dit, ouais, mais vous avez que ça. Vous parlez quasiment que de ça. Il dit, parce que vous avez quasiment que ça à faire. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, comme il l'a dit l'auteur, les gens ne pourront pas. Les gens ne pourront pas. Celui qui peut pas, la'ala ou ma'azoura indallah azawajal. Mais celui qui peut, Wallah nusihi bien yakum bizarika. Celui qui peut, comme moyen de pouvoir faire cette hijra, on l'incite grandement à la faire. Il ne faut pas qu'il ait peur. Et s'il est sincère, il verra les résultats. Il a fait concrètement pour Allah Zawajal avec une bonne niya. Innama al-amal bin niya. Et le hadith, on l'a pris en premier. Et il verra les samar, il verra les fruits. Mais il ne faut pas avoir peur. Souvent, le premier pas, il fait peur, il effraie. Innama zalikum shaytan yukhayifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. C'est seulement shaytan qui vous fait peur. N'ayez pas peur de lui. Pas avoir peur de lui. Si Allah Azawajel t'a dit de faire une chose, que t'as promis un résultat, c'est que tu auras le résultat. Et si tu vois qu'il n'y a pas le résultat, c'est qu'il y a eu une défaillance chez toi. Pas dans le Coran, pas dans la Sunna. Le problème, il vient de nous. Naam. وقال وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات أمارة بالسوء سريعة التأثر عند المصائب. Donc il a expliqué que ce mujahid, c'est celui justement qui combat son nefs, qui fait des efforts sur lui-même pour obéir à Allah Azza wa Jal. Car son nefs est attiré par le mal, par la paresse, et l'appel justement est rapidement affecté par les masaib, c'est-à-dire dès qu'une chose le touche, vous le voyez qu'il abandonne, qu'il désespère. Donc ce mujahid, celui qui combat cela, qui repousse cela. Ça y est, celui qui repousse cela. نعم ثم ذكر أشياء أخرى لكن هذا هو الأهم مما يذكر من هذا الحديث. طيب بس نكتفي بهذا اليوم. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.